Alphonse Huitariro. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. L'ombudsman burundais se trouve devant l'Assemblée nationale au palais des congrès de Kigobe où il est en train de présenter le bilan de l'année dernière. Il déclare qu'au moins 4000 Burundais se sont confiés à son bureau, en 2017. Le premier vice-président de la République déclare que le partenariat entre la communauté est-africaine et l'Union européenne ne sera jamais négocié tant que les sanctions prises contre le Burundi sont encore en vigueur. Gaston Sidimora a dit ce mardi lors d'une conférence de presse, vous l'entendrez. Une personne a été tuée la nuit de lundi à mardi à Buringa, en commune Gihanga. Les auteurs du crime n'ont pas été identifiés selon l'administrateur communal, vous l'entendrez dans cette édition. Le phénomène de mendicité s'observe encore au centre-ville de Bujumbura. La pauvreté, l'handicap corporel sont les unes des causes de cette situation qui continue, diront certains mendiants. Et dans la chronique santé de ce mardi, Francine Ndiokugayo nous parlera de la carie dentaire, une maladie de destruction progressive de dents provoquée par des bactéries. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. L'ombudsman burundais Edouard Nduwimana est en train de présenter le bilan de l'année 2017 devant les députés de l'Assemblée nationale. C'est là où il a déclaré que 4000 Burundais se sont confiés à son bureau avec des dossiers variés. Évariste Nzikobanyanga est en train de suivre ses activités. Évariste, est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends, Léonce. Oui, Évariste, 4000 Burundais, 4000 dossiers, c'est pas rien. Quelles sont les principales réalisations du médiateur national en 2017? Oui, les principales réalisations de l'ombudsman burundais, comme il l'a présenté aujourd'hui devant l'Auguste Assemblée nationale, c'est entre autres le dossier de Tchabara, où, dans la province d'Urumonge, où certaines populations étaient en conflit avec l'autorité administrative. Il a dit que ce dossier a été traité et qu'aujourd'hui, cette population est satisfaite. Il ajoute à ce dossier celui de Kizina, où une propriété de 50 hectares allait être attribuée à un seul individu par la justice de Mubanza. L'ombudsman a indiqué dû avoir intervenu pour que ce procès, ce dossier soit bien traité, soit bien réglé. Il s'est dit satisfait d'avoir joué un rôle satisfaisant pour que cette population ne soit pas expropriée de ces terres qu'ils exploitaient depuis les années de l'indépendance. À part ce dossier de conflit foncier, le Moussman burundais a dit avoir intervenu pour une dizaine des employés de l'hôpital Prince de Régent Charles qui allaient être licenciés abusivement. Oui, Évariste, mais des défis, il y en a aussi. Oui, des défis, il y en a. L'ombudsman burundais a indiqué que certaines autorités, certains pouvoirs publics croient que lorsque le bureau de l'ombudsman intervient, il s'agit de l'ingérence dans leurs activités quotidiennes, d'où l'ombudsman burundais a préféré à demander à l'Assemblée nationale qu'il y ait des ateliers de sensibilisation aux certaines autorités pour qu'ils comprennent, pour qu'ils sachent le rôle de l'ombudsman dans le dénouement de certains conflits entre la population et l'autorité publique. Et une toute dernière question, Évariste. Peut-on savoir sur quoi portent essentiellement les questions des députés et les réponses probablement de l'ombudsman? Oui, les questions du député, ils ont demandé à quand l'implantation des représentations de l'ombudsman burundais dans toutes les provinces du pays. Mais ici, l'ombudsman burundais a indiqué que cela est quasiment impossible car le budget qui est alloué au bureau de l'ombudsman reste insuffisant. Mais il a promis quand même que dans les jours à venir, un bureau de représentant l'ombudsman burundais sera implanté à Gitega précisément au centre du pays pour servir certaines provinces voisines de la province de Gitega. Merci beaucoup, Évariste. Merci beaucoup. Poursuivons ce journal pour vous dire qu'une amende de 20% de la valeur des biens ou services livrés sera payée à tout commerçant qui ne facture pas la vente de ses produits. C'est la déclaration faite par Jean-Berkimans Nyonzima, chargé des taxes internes et des recettes non fiscales au sein de l'OBR, Office burundais des recettes. C'était au cours d'une conférence de presse de ce mardi. Il ajoute également qu'une amende de 100% du montant de la TVA non facturée sera aussi payée à tous les assujetti à la TVA. Ces sanctions ont été mises en application dès le mois de janvier de l'année en cours. Suivez Jean-Berkimans Nyonzima. L'Office burundais des recettes a mis en place depuis l'année 2017 un modèle de facture qui doit être utilisé par tous les contribuables. Ils ont été informés aussi sur les sanctions auxquelles s'exposent les contribuables qui ne vont pas adopter ce modèle de facture, à savoir le paiement d'amende en cas de non-facturation d'une vente faite qui est de 20% du montant non facturé, conformément aux dispositions de l'article 70 de la loi numéro 1/28 du 31 décembre 2017 portant fixation du budget général de la République du Burundi pour l'exercice 2018. Il y a aussi le paiement de 100% de pénalité du montant de la TVA non facturée, conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi numéro 1/12 du 29 juillet 2013, portant révision de la loi numéro 1/02 du 17 février 2009, portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée. Je précise que la pénalité de 100% pour les commerçants qui ne facturent pas la TVA, cette pénalité concerne exclusivement les personnes assujetties à la TVA, c'est-à-dire ceux qui ont un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 100 millions par an. Pour assurer un bon suivi de facturation des ventes par le contribuable, l'OBR est en train de faire des contrôles sur terrain qui permettront de juguler le problème de sous-estimation du chiffre d'affaires par certains contribuables qui causent un manque à gagner au trésor public. L'OBR profite de ces descentes pour les informer aussi sur les sanctions auxquelles ils s'exposent qui ont été citées ci-dessous. En page sécurité, une personne a été tuée dans la nuit dernière à Wulinga, c'est dans la commune Gihanga en province de Ouanza. Dieudonné Ngendakumana a été étranglé par des malfaiteurs non encore connus lorsqu'il rentrait chez lui, selon l'administrateur communal de Gihanga, qui ajoute que 5 suspects ont été arrêtés ce mardi par la police pour enquête. Espèce Caritas, Kavanyan. Cet homme qui a été tué au cours de cette nuit de lundi à mardi avait passé la soirée avec les autres dans un bistrot de la place à Wulinga, dans la commune de Gihanga. Mais après un moment d'échange, une dispute a éclaté et il aurait échangé des mots malveillants et des insultes avec qui il partageait un verre. Selon l'administrateur de la commune Gihanga, la victime est rentrée chez lui vers 21h, mais il n'y est pas arrivé. Ngendakumana Dieudonné a été intercepté et tué, égorgé par des malfaiteurs qui ne sont pas encore identifiés, selon des témoins sur place à Wulinga. La même source précise que la victime habitait dans un nouveau village de ces gens qui ont déménagé de Kagaragara dans la réserve naturelle de la Rukoko il y a à peu près 2 ans. Après les enquêtes effectuées par la police, après ce meurtre, 5 personnes qui avaient passé la soirée avec la victime ont été arrêtées pour enquête. Merci à Pescaritas Kawanyana. Chute du prix jusqu'à moitié des graines de maïs en province de Ngozi. À l'origine, selon le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage, une bonne production de cette culture durant cette saison culturelle a écoulé, ainsi que la mesure prise par l'administrateur communal de Ngozi interdisant de griller le maïs le long des différentes rues de cette ville. Apollinaire Muzagara. Durant cette période de récolte de maïs de cette saison culturelle a passé, un kilo de graines de maïs qui s'achetait à 1 francs ou 800 francs bourse se vend actuellement à 400 francs bourse engosé aux environs. Un tas de maïs non encore sec qui se vendait à 500 francs est à 200 francs actuellement. Le directeur provincial de l'agriculture de l'élevage engosé parle d'une meilleure récolte de cette culture comme étant à l'origine de cette chute. L'autre raison est la mesure prise par le directeur de la commune Ngozi, interdisant de griller le maïs le long des différentes routes du chef lieu de cette province. Une décision qui a sensiblement réduit le gaspillage de cette denrée vers le marché. La preuve, selon l'administrateur Song Amirina Djavu, dans tous les ménages, d'importantes quantités de graines sont séchées sur des nattes devant les maisons, qui va diminuer, selon lui, La famine, car bon nombre de ces ménages vont transformer ces graines en farine afin de faire de la pâte de maïs. Donc aussi, apprenez Muzagara, Radio Sangani. Il s'observe encore le phénomène de mendicité à différents endroits du centre-ville de Bujumbura. Certains mendiants qui se sont exprimés sur Radio Isanganiro disaient que la pauvreté et l'handicap corporel sont essentiellement les causes de ce comportement. Ils demandent au gouvernement de leur venir en aide au lieu de les chasser par force. Les détails, c'est avec Jean-Marie Vianney, Genda Kouman. Ceci sont certains mendiants que nous avons rencontrés dans les différents coins de la ville de Bujumbura. Si la chaussée du Prince Louis Guagasore, appelée communément chez Dimitri, s'observe des enfants qui demandent de l'argent sur les différents passants. Cette situation s'observe aussi sur le parking des bus à la dans le quartier nord de la ville de Bujumbura où on voit certaines personnes entrer de mendier. Celle-ci dit que la pauvreté est ce qui lui pousse à mendier. Je suis devenue veuve et mes enfants ont péri dans les combats. Je me suis exilée et je me suis rapatriée. Je passe 12 ans ici. On ne m'a rien donné comme assistance. Elle continue à nous dire qu'elle reçoit peu d'argent depuis que la police a commencé à les chasser. Il arrive des moments où on arrive ici à 7h30 du matin et on rentre avec seulement 500 francs. Et depuis qu'on a commencé de nous chasser, on ne reçoit rien. Nous risquons de mourir de faim avec mes orphelins. On ne m'assiste à rien. On nous chasse toujours. Souvent, on me conduit même à la BCR. Ces mendiants demandent au gouvernement de les venir en aide. Je demande donc qu'on m'assiste en me donnant un logement pour faire grandir mes orphelins, qu'on me donne aussi les vêtements. C'est ce qui pourra m'aider à quitter la rue. La situation était au moment où le gouvernement avait annoncé une mesure de mettre fin à la mendicité dans les différentes villes du pays. Jean-Marie Vianney, Ngenda Kouman. Je vous le disais en titre, le partenariat d'échange économique entre la communauté est-africaine et l'Union européenne n'a pas fait objet de longues discussions lors du récent sommet des chefs d'État de cette communauté à Kampala, en Ouganda. Le premier vice-président de la République dit que c'est à cause des sanctions qui ont été prises par l'Union européenne contre le Burundi et que ce partenariat ne sera jamais négocié tant que ces sanctions persistent. Concernant le souhait du gouvernement burundais, quant au rapatriement du dialogue, Gaston Sindimo a indiqué au cours d'une conférence de presse que les chefs d'État de l'EAC ont décidé plutôt que le facilitateur puisse continuer le dialogue partout où il veut. Oban Nyonguru. Le premier vice-président de la République qualifie de souhait du gouvernement la question de rapatriement du dialogue inter-burundais. Gaston Sindimo dit que ce souhait n'a pas été soutenu par le sommet des chefs d'État de l'EAC à Kampala. Pour ce, il indique que le gouvernement du Burundi va se conformer à la décision de ses chefs d'État de l'EAC. Mais Gaston Sindimo a précisé que le processus de facilitation ne va en aucun cas freiner la révision de la constitution en cours. En ce qui concerne nos propos sur mon tweet que j'ai lancé, disant que BGM Kappa a terminé ses activités au Burundi. C'est tout à fait normal parce que après l'entretien que j'ai eu avec Mkapa, de mon point de vue, j'ai vu qu'il dit qu'il a terminé sa mission, d'autant plus que nous avons la paix au Burundi. C'est son point de vue. Mais quand on est au sommet, c'est l'avis des chefs d'État. Et si les chefs d'État décident de prolonger son mandat, c'est la vie de tout le monde. Donc, même moi y compris, même le Burundi y compris, parce que c'est une décision des chefs d'État. Alors, aujourd'hui, nous allons accompagner Mkapa afin d'aboutir très rapidement sur son processus de paix puisse aboutir rapidement. Nous allons l'accompagner. Concernant le partenariat économique entre l'EAC et l'Union européenne, le premier vice-président de la République dit qu'il ne sera jamais négocié tant qu'il y a des sanctions pesant sur le Burundi qui ont été prises par l'Union européenne. Parmi les projets urgents qui ont été analysés au cours du récent sommet des chefs d'État de l'EAC, figure celui relatif à la construction d'un chemin de fer reliant Uvinza à Musongati au Burundi. Celui-ci va coûter plus de 70 millions de dollars américains, a précisé Gaston Sindimon. Merci Aubin. Le chef du secteur Mutambala, dans le territoire d'Ofizi au sud Kivu, en RD Congo, est en visite à Lumonge depuis ce lundi. Il a accompagné le chef coutumier Dubuari qui vient pour une deuxième fois en vue de tenter de convaincre les réfugiés congolais vivant en dehors des camps de rentrer volontairement chez eux. Le représentant de la communauté congolaise vivant à Lumonge dit toujours ignorer pourquoi ces réfugiés ne veulent pas rentrer. Jean-Pierre Misago. Louanoucha Mimelelu wa Josué, chef de secteur Mutambala dans le territoire d'Ofizi, dit qu'il a accompagné le chef coutumier Dubuari dans sa deuxième visite à Lumonge pour convaincre les réfugiés congolais en dehors des camps de regagner le bercail. Mimelelu wa Josué dit que près d'un dixième seulement des réfugiés congolais vivant en clandestinité dans la ville de Lumonge ont répondu à l'appel du chef coutumier de Bouari et ce chiffre est minime. De fausses informations sur la situation sécuritaire au sud de Kivu auraient freiné le mouvement selon Mimeleloua qui indique que la paix est revenue. Mais si le sud de Kivu n'est pas un paradis, raison pour laquelle rien ne justifierait ce refus des réfugiés congolais à rentrer chez eux, tout en rassurant une assistance gouvernementale à tout réfugié qui regagnerait le bercail. De son côté, Kawaya Mwanangoyi, représentant la communauté congolaise vivant à Lumonge, dit ne pas savoir la raison de ce refus et promet qu'en collaboration avec ses autorités du sud de Kivu, une stratégie de sensibilisation retour au bercail sera arrêtée. À part Lumonge, ce chef congolais projette visiter Karonda en province Lumonge et Nyanzalak en province Makamba, deux autres localités qui regorgent des réfugiés congolais vivant dans l'illégalité. Jean-Pierre Misago depuis Lumonge, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro Chronique. Dans la chronique santé de ce mardi, nous revenons sur la carie dentaire qui est une maladie de destruction progressive de dents par des bactéries. Le dentiste Charles Mugumyangiko indique que cette maladie peut entraîner des complications sérieuses qui vont jusqu'à provoquer des douleurs et infections. Mais la carie dentaire peut être prévenue selon le dentiste qui appelle à l'hygiène bucco-dentaire régulière et la réduction des aliments sucrés. Francine Ndiokoubgayo. Nous vous avions parlé dernièrement de l'affection de la dent qu'est la carie dentaire. Une alimentation riche en sucre et un manque d'hygiène bucco-dentaire sont les principales causes de la carie, comme l'a indiqué le docteur Jean-Charles Mugumyangiko. Le traitement consiste à réparer la dent cariée, d'après toujours ce dentiste. Nous allons utiliser des matériaux qui ont une résistance plus ou moins semblable au tissu dentaire pour restaurer la dent. Parce que la dent participe à plusieurs choses. La première fonction d'une dent, c'est de participer à la mastication, permet à la personne de manger. Et c'est très très important, parce que la mastication constitue la première étape de la digestion. Si la personne ne parvient pas très bien à mastiquer au niveau de la bouche, ça veut dire que les étapes suivantes de la digestion ne vont pas se dérouler correctement. Et nous allons avoir des problèmes comme des constipations ou d'autres problèmes inhérents à la digestion. Et surtout pour les enfants, c'est très très important, parce que quand l'enfant ne peut pas manger correctement, la croissance également va en pâtir. La carie non traitée peut avoir de nombreuses complications qui peuvent nuire à la santé de la personne. Nous aurons des complications locales, c'est-à-dire au niveau de la cavité buccale, nous aurons des complications loco-régionales, c'est-à-dire au niveau de la face, et même des complications à distance. Alors les complications locales, d'abord la plupart des fois, plus des douleurs atroces que la carie peut amener, on peut avoir des infections locales, parce que plus la dent va se carier, plus elle va être une porte d'entrée pour des bactéries, et nous aurons une infection. Et dans certains cas, déjà, comme la dent sera fortement atteinte, on est obligé de l'enlever. La première conséquence, elle est là, l'absence de dents. Nous avons des complications loco-régionales, ça veut dire des infections qui ont dépassé le cadre dentaire, mais il y aura des infections au niveau de la région faciale. On peut avoir des atteintes de la joue, des atteintes de l'os, et on peut avoir également des complications à distance. Comme la dent est devenue porte d'entrée, il peut y avoir ce qu'on appelle une greffe à distance, ça veut dire des microbes vont entrer à travers la dent et vont atteindre d'autres organes à distance. Des cas d'atteinte cardiaque ont été décrits chez certains enfants, des cas d'atteinte atteintes rénales ont été décrites également dans certains pays. Faute d'excellentes mesures d'hygiène dentaire pour se prévenir de la carie. La première des choses à faire, c'est de réduire au maximum, voire même de supprimer cette alimentation sucrée qui expose aux caries dentaires chez les enfants. Deuxième chose, c'est l'hygiène bucco-dentaire. Alors, comment elle doit se faire l'hygiène? Pratiquement comme tous les gens le font, on se lève le matin, on se brosse et puis on part à nos activités. On va passer toute la journée sans se brosser. Par contre, au cours de la journée, nous allons consommer, nous allons manger et il y aura des restes alimentaires. Le brossage doit être régulier, c'est-à-dire elle doit se faire tous les jours, 3 fois par jour. Alors, quand on dit 3 fois par jour, c'est essentiellement 3 repas essentiels, le matin, midi et le soir. Le soir, c'est le moment idéal où on a le temps de se brosser et d'éliminer tout ce que nous aurons mangé durant la journée. Alors, la méthode qui est recommandée, c'est la méthode qu'on appelle la méthode de bas en haut. C'est-à-dire, on part de la gencive vers la dent. La plupart des personnes ont une méthode qu'on appelle classiquement méthode de l'accordéon, qui est une méthode vraiment à bannir. Le dentiste Jean-Charles Mugumyangiko ajoute que pour la prévention, on peut utiliser n'importe quel dentifrice sans restriction, mais il recommande le changement de la brosse à dents au moins une fois le mois. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Albert Ndoyo pour la collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir. Léonce Vitaliho.